Bon, deuxième sujet ce soir, les limites de notre karma. Évidemment, quand vous avez, je reviens tout le temps à la fameuse image, quand vous avez un ordinateur et un programme dedans, l'ordinateur étant l'ego et comme image parallèle, là, et puis l'âme étant la programmation, donc le programme utilisé dans l'ordinateur, vous avez l'esprit qui travaille à travers toutes les possibilités du programme, puis aussi la dynamique du hardware, c'est-à-dire du computer avec son écran, son clavier, puis etc., etc. Il y a des restrictions. Ce que vous pouvez faire avec un traitement de texte, ce n'est pas la même chose qu'avec un chiffrier puis une base de données. Fait qu'il y a des variantes. C'est sûr que pour de l'esprit, le mot évoluer, ça correspond fortement à augmenter les capacités. C'est comme si dans un sens, si on parle d'évolution, pour l'esprit, j'entends, c'est toujours augmenter la force du programme dans son application, dans sa capacité d'enregistrer un relationnel avec d'autres ordinateurs. On sait aujourd'hui qu'on travaille avec Internet pour les communications, puis que ça fait partie d'une des grandes évolutions de l'informatique. Bon, c'est un peu le même principe pour l'esprit. Son plus gros travail dans le fait de vous faire évoluer, c'est de vous amener à communiquer. Dans un premier temps, c'est de vous communiquer avec les autres computers. Et dans un deuxième temps, c'est de vous apprendre à communiquer avec sa propre personne. Exemple, un computer qui peut parler avec l'esprit, donc avec l'opérateur, est plus évolué qu'un computer qui travaille juste au clavier. Vous me suivez? Donc, si on dit qu'un être, dans son jeu d'ego, puis d'âme, puis évidemment de programmation, est dans un processus évolutif, il est nécessairement dans un processus de communication. Parce que pour l'esprit, le jeu le plus important, c'est de pouvoir communiquer à l'ordinateur tout ce qui peut être possible dans son, on va dire, dans sa créativité, de transférer à l'ordinateur. Fait que si, disons, pour lui, amener un ordinateur à travailler à partir de sa voix, c'est une façon plus évoluée que de travailler au clavier, bien, l'esprit va travailler à ce que tu aies une communication vocale d'ordinateur à personne. Okay? Pour lui, l'esprit, communiquer avec votre ego, c'est l'ultime. En tout cas, que moi, que j'étais en mesure de percevoir, là, c'est l'ultime. Ça veut dire que s'il réussit à vous faire passer des commandes d'exécution, à vous faire, entre guillemets, prendre des décisions, donc de passer aux actes sur ce qui vous fait vibrer, bien, il a atteint l'ultime. Vous me suivez? Pour ça, son mieux, c'est de vous empêcher, c'est de réussir à vous empêcher de réfléchir, de faire des loops, des boucles. S'il réussit à vous empêcher de faire des boucles dans le programme, donc ce qu'on pourrait appeler des répétitions, là, à ce moment-là, il peut communiquer librement avec l'ordinateur. Je réfère beaucoup à l'ordinateur pour expliquer quelque chose de graphique qui vous sort de l'impression que vous autres au niveau de l'ego. Parce que vous êtes des êtres réflexifs. Étant des êtres réflexifs, bien, vous allez avoir tendance à tout le temps ramener ça dans le jeu. Mais c'est ce que l'esprit cherche à faire, c'est de briser la boucle du réflexif qui ramène au jeu pour que vous ayez un rapport direct avec lui. Et à partir de là, bien, il peut vous passer tout, on va dire, entre guillemets, en commande vocale. En réalité, ce n'est pas une commande vocale, ça devient une commande vibratoire qui est décodée par vous autres comme du vocal. Vous me suivez? Fait que moi, s'ils me disent, tu t'en vas déjeuner à telle place, ça apparaît vocal, mais en réalité, c'est une vibration qui m'envoie que mon ego décode en vocal. Donc, c'est quoi les limites de votre karma? C'est que dans votre programmation, vous avez des capacités limites de traiter avec l'invisible. Exemple. La plupart des gens, dans leur expérience karmique, font affaire avec une quelconque culture qui, dans la culture, implique une religion. ça fait partie de la game. Vous allez avoir la politique, vous allez avoir l'économie, puis vous allez avoir les religions. Comme un triangle implacable. Puis dans la culture, bien, la religion prend une place importante parce que c'est elle qui définit l'invisible et l'au-delà. Fait que tout ce qui, dans une culture, réfère à le sens de la vie, ou la vie après la mort, ou qu'est-ce qui se passe après la mort, c'est dans la religion que ça s'inclut. Fait que dépendant des milieux politiques, dépendant des milieux culturels, l'Asie va avoir une religion qui est différente de l'Occident, etc., etc. Là, à ce moment-là, les cultures vont définir les paramètres de qu'est-ce qui convient avec la politique, de qu'est-ce qui convient avec l'économie, puis de qu'est-ce qui convient avec l'individu dans le sens de la vie. Ça délimite un invisible dans l'aspect karmique de l'individu. Quand on arrive avec l'affaire de l'esprit et l'état pur, ça équivaut, dans les cultures, à un prêtre. Un individu évolué qui commence à arriver à discuter de la base de sa religion, il devient un prêtre. Il s'occupe de l'invisible. Fait qu'un initié ou une personne qui s'occupe de l'invisible, qui dépasse l'aspect purement karmique, culturel de sa vie, il devient, dans le sens du mot initié, il devient l'être qui communique avec Dieu. Donc, un gars comme moi, dans une religion, ce serait un gars qui communique directement avec Dieu. Même chose avec Bernard de Montréal. Donc, ces êtres-là ont une position privilégiée parce qu'ils connaissent les messages de Dieu. C'est-à-dire, où est-ce que Dieu veut amener son troupeau? Ou qu'est-ce que Dieu veut faire avec la planète? Fait que dès que vous avez, c'est pour ça que Bernard a shifté de Dieu à les forces, parce que Dieu, il s'est installé avec les années une mystique d'incapable d'atteindre. C'est comme un inaccessible Dieu. Tandis que les forces, c'est comme quelque chose d'un peu plus Star Wars. Puis ça, il y a comme un certain jeu qui permet de sentir que c'est accessible. Me suivez-vous jusque-là? Mais fondamentalement, c'est la même chose. Dieu, les forces, c'est the same fucking game. Les anges, le double, c'est the same fucking game. Puis tu t'en vas d'une religion à l'autre, puis c'est incroyable. Moi, j'ai étudié plusieurs religions dans ma vie. Puis c'est incroyable les parallèles qui se font d'une religion à l'autre. Ça varie évidemment selon justement les jeux politiques, puis les jeux culturels, puis les jeux de l'art, du domaine de la culture pure. Là. Ça varie là-dedans, mais c'est toutes les mêmes bases. C'est comme on créerait que les extraterrestres nous ont amené des principes de fond. Que quand tu étudies l'ésotérisme, tu étudies les principes des tarots, de l'astrologie, ces choses-là, c'est tout pareil. C'est juste que ça prend différentes formes de croyances. Puis si tu élimines la croyance de ça, c'est tout pareil. Fait que le karma, il y a ses limites, c'est l'invisible. Et la capacité de traiter avec l'invisible, je parle ici de l'ego, sa capacité de traiter avec l'invisible et de rendre l'invisible palpable, perceptible, ça défonce l'aspect karmique pur. Donc, un individu a autant de limites dans sa structure karmique qu'il a une impossibilité de lire l'invisible de sa structure karmique. Moins tu lis l'invisible, plus tu es pris dans le karma, parce que le karma devient une fatalité. Pour pouvoir se dégager de l'aspect karmique, c'est-à-dire pas se dégager de l'événementiel karmique, il faut que tu réussisses à lire le karma. C'est ta lecture du karma qui change la vibration de l'événement. Et je vous l'ai expliqué souvent dans le passé. En changeant la vibration de l'événement, il devient moins concret dans votre vie, l'événement. Il devient plus virtuel. Donc, il attaque moins votre corps. Il attaque moins votre structure de base. Tandis qu'une personne qui n'a pas de capacité d'aller dans l'invisible, quand il a affaire au karma, en tout cas, en astrologie, quand vous avez des dissonances majeures, ça va direct au matériel. Ça va direct dans la forme. Plutôt que d'aller dans le virtuel de ta vie, ça va taper direct dans la forme de ta vie. Donc, ça implique l'argent, ça implique tes constructions matérielles, la maison, le travail, puis ça implique aussi, évidemment, ta santé. Parce que le corps est l'ultime terminal. Plus vous avez une capacité de lire l'invisible, donc plus votre rapport avec l'invisible est présent, plus vous devenez des prêtres, des prêtres, des prêtresses, appelez ça comme vous voulez, plus vous avez un intérêt à faire le lien entre l'invisible et le matériel. Je prends un prêtre parce que ça réfère à la spiritualité des gens. Mais là, à ce moment-là, vous vous défaites du karma et puis vous augmentez votre capacité dans l'évolution, vous augmentez votre capacité de vibrer. Et quand vous augmentez votre capacité de vibrer, vous augmentez... comment je pourrais vous dire ça? Donc? C'est comme si les événements sont plus proches de votre perception que quand tu es dans le karma et puis que les événements te donnent toujours l'impression que tu es victime d'eux. OK? En d'autres termes, plus vous avez une lecture de votre karma, moins vous êtes victime de l'effet karmique. Vous comprenez pourquoi ça existe de vivre telle ou telle chose. Tu sais, c'est comme moi, exemple, je m'en vais vers une richesse et je suis très, très testé avant que ça arrive. Je le comprends, ça. Je sais qu'il faut que ça se passe comme ça pour que j'aie la contenance de ce qui s'en vient. Mm-hmm. Vous me suivez? Oui. Ça, c'est l'avantage d'être évolué. C'est-à-dire que mon esprit augmente ma capacité d'utiliser les ressources futures en me laissant lire qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Puis en étant capable de le lire, bien, c'est comme si mon corps ne vit pas le stress avant que ça se passe ou quand ça va se passer. Parce que c'est stressant d'avoir un gros bouleversement dans ton mode de vie. Là. Vous me suivez? Les lavigueurs, on passe aux choses. Bon, bien, chaque personne dans sa vie a évolué, et puis ses limites, c'est son manque de lecture de sa programmation. En d'autres termes, plus votre karma est intense, plus vous allez chercher une explication de pourquoi ça arrive. Pourquoi que le bon Dieu me fait vivre ça? J'ai-tu entendu souvent cette affaire-là? Pourquoi que moi, j'étais une femme, puis lui, c'était un homme, puis c'est lui qui a le pouvoir, puis moi, je ne l'ai pas? Je l'ai entendu souvent, celle-là. Pourquoi que je travaille là-dedans, puis que mon boss ne m'aime pas? Je l'entends souvent, celle-là. T'sais? Ça, c'est des limites karmiques. C'est des problèmes de lecture. Parce que si tu savais pourquoi toutes les questions que tu te poses étaient données une réponse, bien, tu ne vivrais pas l'impression d'être limité, mais tu vivrais la sensation d'être testé pour arriver à un mieux-être. Tu dis, ça, c'est pour me libérer de l'impression d'esclavage de la femme. C'est pour me libérer de l'impression de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bon, ça veut-tu dire que ce n'est pas important le couple? Non. Tu es capable aussi d'avoir la réponse que c'est important le couple, mais pas à tout prix. Pas dans ces conditions-là. Pas dans ci, pas dans ça. Fait que rien n'est exclusif. Tandis que dans le karma, tu dis, ah, moi, dans ma vie, j'ai été obligé d'être célibataire. Tu n'as pas été obligé d'être célibataire. Tu n'as pas fait une lecture du couple qui te donnait avantage. Je parle à toi. Si tu avais fait une lecture comme quoi le couple te donne avantage, tu aurais été prédisposé au couple. Tu aurais été prédisposé mentalement à rencontrer le bon gars. Mais quand tu n'es pas prédisposé à ça, bien là, tu ne rencontres pas le bon gars. Parce que là, c'est ton karma pur, dur de rébellion qui s'installe. Parce que c'est pas vrai que tu n'es pas fait pour vivre avec quelqu'un. C'est vrai que si tu es très rebelle, c'est très difficile de vivre avec toi. Comment dire? Toutes les femmes qui sont excessivement rebelles ne sont pas vivables. Un gars, on ne veut pas de ça. Donc, on se rend compte dans le phénomène des limites que la limitation est liée à un problème de lecture. Et qu'une personne qui change sa lecture de sa vie, fait exploser ses limites et tombe dans ce qu'on appelle de l'évolution. Parce que quand tu es karmique, strictement karmique, que tu fais ta vie strictement sur des bases karmiques, on ne peut pas dire que tu évolues dans le sens mental du terme. Tu évolues comme n'importe quel animal que quand il est confronté à de la souffrance, il dit « ça, il ne faut pas que je mange ça, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que j'aille à tel endroit, il ne faut pas que je sorte à telle température. » C'est plus de l'évolution, ça. Là. Ça, c'est des conditionnements... Ils ont des termes en psychologie pour ça. Je ne me souviens plus du terme, en tout cas. C'est des conditionnements qui sont liés à la souffrance. Tu sais, tu dis, ah, ça, si je fais ça, souffrance ou satisfaction, si je mange ça, ça donne ça, puis ça, on va coller à ça dans le temps. On va dire, ah, la personne est sage. La sagesse, c'est simplement une capacité d'avoir enregistré dans ton évolution de vie des zones de souffrance, des zones de satisfaction. Et puis, ça se limite à une évolution animale, ni plus ni moins. Comme les rats, ils se transmettent, dans le code génétique, des poisons qui ont réussi à s'adapter. Et puis, les microbes même vont s'adapter, vont développer des ajustements aux anticorps. Puis, tu vas dire, le microbe, il y a une mutation, bon, ces choses-là. Ça devient une sorte de sagesse naturelle qui est liée à une structure karmique. Mais qui n'est pas de l'évolution dans le sens aussi avancé, aussi perceptif que d'aller traiter avec l'invisible. Un animal qui réagit à la souffrance, il ne réagit pas à l'invisible. Un esprit humain qui est pris à une souffrance et puis qui a une lecture psychique de sa problématique, lui, il faut qu'il soit évolué pas mal. Parce que là, il comprend le sens très, très profond du mot « évoluer » dans le sens de la nature des choses. Fait qu'on a une société qui a les mêmes problèmes animaux qu'il y a 1000 ans, mais on a une société qui, psychologiquement, s'est adaptée ou a évolué à travers des religions qui n'étaient peut-être pas parfaites, mais qui en avaient assez, en tout cas, pour traiter avec l'invisible. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans la société par le biais de l'espoir, par le biais de la croyance, puis par le biais de tout ce qui implique le fait de croire à un paranormal quelconque et non pas à ce qui était formel. Tu sais, quelqu'un va dire, ah, ben là, je suis limité là-dedans, mais je crois profondément que je peux dépasser ça. C'est pas les animaux qui ont ça, là. C'est un être humain. Mais ça, pour arriver à « je crois fermement que je peux dépasser ça », là, tu tombes dans l'affaire de la perception de l'invisible. Dieu va m'accompagner pour passer à travers, ta, ta, ta, ta, ta. Fait que, au début, évidemment, il faut passer par une zone culturelle, qui est la religion. Puis éventuellement, il faut que chaque être humain ait une lecture de sa divinité. Et quand je dis « lecture de sa divinité », j'entends d'avoir une capacité ou une ressource de parler sur sa propre... son propre esprit, son contact, ce qui est finalement à l'origine de la forme, à l'origine de la création. Quand on parle de l'origine de la création, on parle de qu'est-ce qui encode le karma. Fait quand c'est toi qui est capable de communiquer avec ce qui te programme, ben là, c'est comme il y a ton programmeur, il te regarde vivre, puis à un moment donné, tu es en communication avec la sonde. C'est comme les Américains qui envoient une sonde sur Mars, puis ils peuvent communiquer avec la sonde. La sonde, elle se promène dans Mars, puis elle renvoie de l'info, puis elle renvoie de l'info. À un moment donné, la sonde renvoie de l'info, puis là, tu peux renvoyer à la sonde une commande d'exécution. Bien, on peut dire qu'il y a une évolution. Bon, bien là, la recherche des forces, c'est de pouvoir communiquer avec l'être programmé, qui est l'ego, donc qui est nous autres, dans ce qu'on perçoit d'être nous autres. Et puis dans le « qu'est-ce qui est nous autres », égoïquement, j'entends, il y a quelque chose qui nous communique, puis qui nous dit, « Hop, t'es rendu là, fais ça, fais ça, fais ça. » Puis là, il améliore notre séquence d'exécution au point que ce qu'on vit karmiquement ne devient plus un problème, mais devient une recherche, une exploration et un développement. Vous me suivez? Là, si vous comprenez que vous êtes des robots très perfectionnés, avec une éventuelle communication psychique avec ce qui est, on va appeler ça le Cap Canaveral, ou comment ils appellent ça, Houston, puis que Houston vous envoie les infos d'un autre plan, là, vous êtes très, très, très, très près de la réalité. Très près de la réalité. Là, vous allez pouvoir commencer à comprendre c'est quoi les extraterrestres. Vous allez comprendre que c'est pas ce qui se passe dans les vues, mais que les extraterrestres, c'est des extras du plan de la Terre, extraplanétaire, plan de la Terre. Et qu'eux autres, évidemment, c'est pas, ils ne sont pas intéressés à aller... C'est un peu comme les Américains, ils envoient des sondes. Ils ne sont pas intéressés à se promener sur Mars. Pas de suite, du moins. Ils envoient des sondes, comme ils envoient les forces, ils envoient des sondes, qui sont les égaux, pour voir comment tu peux vivre dans un milieu comme le nôtre, qui a certaines particularités au niveau de la polarité, avant de s'infuser complètement dans leur enveloppe, donc dans leur corps, qui est le nôtre. Okay? Quand eux autres vont nous habiter parfaitement, c'est comme si le programmeur rentre dans le computer, il rentre dans le programme, un peu comme Tron, le film Tron, et puis là, il devient une fusion intégrale avec le corps, et là, il a son enveloppe, puis il se promène dedans. C'est comme si eux autres sont en dehors de la forme, puis ils peuvent rentrer dans la forme, mais sous certaines conditions, il faut qu'il y ait une communication parfaite avec le robot. Fait que si on a une communication parfaite avec votre zone de cerveau, qu'il n'y a plus de réflexion, et puis qu'eux autres peuvent rester sur le plan et être en même temps dans son, je sais que ça a l'air compliqué, là, mais à partir de là, il n'y a plus de limite à votre programmation parce qu'ils peuvent utiliser votre programmation à des registres de conscience qui sont plus élevés que la forme. Donc, ils peuvent vous mettre en vibration pour vous dégager des chocs très, très basiques que vous avez dans un karma, on va dire, entre guillemets, normal. Dans un karma normal, tu as un accident, puis dans un karma qu'on pourrait qualifier, disons, de programme de vie, habité par eux autres, mais ça devient une baisse d'électricité. Tu sais, c'est comme l'hydro a un problème avec ses fils, puis il y a une panne d'électricité de 30 secondes. Alors que pour un égo, le manque d'électricité, ça occasionne un accident. Vous me suivez un petit peu? Donc, pour ça, je dis souvent, si les gens gardent les vibrations hautes, ils se protègent contre des problèmes de forme parce qu'ils ont une capacité de survol. T'as moins d'affaires qui se passent, t'as moins d'affaires qui t'atteint, qui se passent dans la rue quand t'es au-dessus, donc en avion, exemple, que quand t'es dans la rue. Alors, si tu descends dans la rue, dans une programmation de base, il va t'arriver plus de chocs physiques, donc ton corps est plus exposé. Donc ton enveloppe, si on part du principe qu'on est une enveloppe pour les forces, donc ton enveloppe est moins destructible. On parle d'avenir éventuellement avec les forces où on pourrait vivre des 300-400 ans. Pour vivre 300-400 ans, il faut qu'eux autres nous habitent parfaitement parce qu'on ne sait pas comment gérer notre alimentation encore comme eux autres le feraient. Mais plus ils nous habitent, plus ils nous dirigent vers des choses qui nous gardent en santé. Comprenez-vous? Moi, ils m'ont guéri d'un problème de foie, viscule biliaire cette année, te quitte. Ils disent « mange ça, tu manges ça, pour ça arrive. » 3 mois, c'est réglé. Les puces, ils m'ont dit « on va te faire vibrer différemment, il n'y en aura plus dans ta chambre. » C'est vrai, au bout de 3 jours, il n'y en avait plus. Fait que les chats, même, ils ne rentraient pas dans ma chambre s'il y avait moindrement, ils se grattaient. Pas des faces. Fait qu'il faut croire qu'ils sont capables de gérer n'importe quoi au niveau matériel, au niveau naturel. Accepter qu'il ne faut pas que tu les crées d'obstacles. Il faut que tu les laisses faire. Dans cette mesure-là, si vous êtes capable de vous laisser aller à l'invisible, à une lecture invisible, puis à faire votre... Moi, ce qui m'a donné un avantage dans la vie, c'est que j'ai toujours voulu faire le lien entre l'invisible et le matériel. Toute ma vie, j'ai commencé à 14-15 ans, c'était une obsession maudite de faire un parallèle. J'allais travailler, puis j'avais 6 lumières rouges d'affilée, je retournais chez nous, je disais non, ça ne sera pas une bonne journée pour aller travailler, puis je ne travaillais pas. Puis là, je pognais 3-4 vertes, là, j'y allais, puis ça, je pouvais faire 2 jours, 3 jours en une journée. Fait que j'ai, tout de suite, là, j'ai compris qu'il y avait un rapport direct entre la vie psychique et la vie matérielle. J'ai passé mon temps à décoder. Quand j'ai rencontré Bernard, j'avais 30 ans, puis j'avais déjà 15 ans de décodage dans le corps. Fait que je faisais des parallèles entre tout ça, le bébelle. Et puis, j'étais déjà intéressé fortement à une vision de l'invisible dans la matière. Ce que les gens, en général, ne font pas, parce qu'eux autres, ils vivent une vie matérielle, point final. Tu vas voir un gars, tu vas lui dire « quel signe que t'es », puis « je ne crois pas à ça ». Fait que, eux autres, c'est des gens qui vivent strictement au niveau de la base matérielle, strictement animale, la vie animale, la possession, la famille, là, tu sais, style « tu m'appartiens », puis ça. Et puis... ils vivent du gros karma concret, là, concret, mais dans le sens basic. Et pour briser ces limites-là au niveau karmique, c'est de changer votre lecture. Votre nouvelle lecture, là, il y a des gens qui vont me dire, « Ouais, mais la lecture, qu'est-ce que tu fous avec ça? » Quand tu changes ta lecture, tu vibres différemment. Quand tu vibres différemment, tu as la même nature événementielle de ton karma, c'est-à-dire que ton karma, il est toujours là, tu as la même nature, tu as la même famille de problèmes ou d'avantages qu'il y a dans ton karma, mais plus haut en vibration, et conséquemment, moins, ça touche moins ton corps. Ça touche moins ta matière, ça touche moins ta finance. Tu sais, je peux avoir une situation difficile, exemple, au niveau financier, mais si j'ai une lecture de pourquoi ça l'est, j'ai pas de problème financier, j'ai un test financier, c'est pas pareil. Tandis que pour une personne, c'est « je me sens pauvre ». Ça devient basic, ça devient du karma crasse, ça devient du karma diminutif. Ça devient un karma qui va te restreindre dans tes actions. Tandis que non, moi, dans mon cas, ça ne me restreint pas. Ça stimule mon pouvoir d'action. Comprenez-vous la différence? Parce que la vibration est haute. Elle n'est pas vécue comme du diminutif. Elle est vécue comme une super puissance de passer un test. Wow! Il me passe ce test-là, au bout. C'est pas aussi enthousiaste que ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que même vos colères, quand vous les vivez sur une base vibratoire psychique, ils ont un sens. Alors que tu te sens coupable quand tu es dans la base karmique, le bas karmique. Tu te sens coupable de te choquer. Ou si tu te sens pas coupable, tu deviens... Ça pousse tellement... Ça pousse à la criminalité quand tu te sens pas coupable, quand tu es dans la base, le bas karmique. Vous savez? Parce que là, tu justifies d'être violent. Il faut que tu te fasses une valeur d'être violent. Alors que quand tu es simplement dans le psychique du négatif de ta vie, tu regardes ça comme un test qui te font passer pour te donner de la cohérence, te donner de la densité, te donner de la présence dans ce que tu fais. Pas pareil, là. C'est différent. Fait que c'est un petit peu ça qui est le point sur cette dimension-là. Donc, si vous êtes capable de vous affranchir d'une limitation karmique par le fait que vous vous intéressez à l'invisible, la question que les gens vont se poser, on commence où? La première chose qu'une personne peut faire pour modifier sa lecture de l'invisible, c'est de voir la cohérence de l'invisible dans les vies. Pour que vous sachiez que votre vie est cohérente, il faut que vous sachiez que si vous avez une zone d'expansion, vous avez une autre séquence après qui va être une zone de contraction. Puis qu'après une zone de contraction, il y a une zone d'expansion. Et que plus vous travaillez bien avec votre zone d'expansion, plus la prochaine zone de contraction va être difficile, plus difficile, parce qu'il va y avoir plus d'expansion. Puis quand tu vas bien gérer ton expansion, tu vas avoir une autre zone de contraction encore plus difficile que les autres zones de contraction. En d'autres termes, le niveau de difficulté augmente par une bonne gestion de l'expansion. C'est plus difficile gérer un couple pour Gilles que de gérer une business. Si j'avais bien sa business, ce qui a été le cas, les forces vont lui donner un couple pour voir si j'avais bien le couple. Si j'avais bien le couple, ils vont donner une autre avenue à sa business pour que la business qu'il va gérer soit plus difficile et plus subtile et plus rentable. Il va avoir un cadeau. Mais il n'y a pas de cadeau s'il y a une mauvaise gestion de l'expansion. Tu vas dire, oui, mais y a-t-il une gestion de la contraction? Il y a une capacité de ne pas se plaindre dans la contraction. Quand tu te plains en contraction, ça équivaut à une mauvaise gestion de l'expansion. OK? Donc, pas se plaindre, ça veut dire quoi, ça? C'est de ne pas se vivre comme une victime dans une zone de contraction, mais de vivre ça comme simplement un passage qui demande d'être simplement fort. Il n'y a rien à gérer quand ça va mal. Tu as à gérer de ne pas casser. That's it. Tu ne casses pas. Tu t'organises pour passer à travers. That's it. Puis là, plus tu vas passer à travers, plus tu vas être mauvais. Mauvais, pas dans le sens moral du terme. Mauvais dans le sens de capacité de colère. Puis la capacité de colère, c'est ce qui va bâtir ta consistance devant les imprévus, qui va dire dans l'expansion, je ne me fais pas prendre à trop me disperser, à trop me dilater, à trop me faire influencer, toutes ces choses-là. Ce qui veut dire que tu es de plus en plus à ton affaire par la colère et non pas par l'intelligence. L'intelligence va te faire voir des avenues, mais elle ne te donnera pas la force de contenir l'avenue que tu prends. La force de contenir l'avenue que tu vas prendre dans l'intelligence, elle est basée sur la colère. La colère, c'est une force qui n'a pas vraiment de direction autre que celle que l'intelligence va y donner. Mais c'est ce qui va y permettre, la colère, c'est ce qui va permettre à l'individu d'habiter son idée, d'habiter son expansion, et donc d'en faire une bonne gestion. Vous me suivez jusque-là? Donc, ça veut dire que tant et aussi longtemps que l'individu est manipulable mentalement par de l'ego, donc de la réflexion, il va avoir des problèmes de gestion de son expansion. Puis là, les forces sont obligées de diminuer ses tests parce qu'il ne serait pas capable de prendre des gros tests. Mais en n'étant pas capable de prendre des gros tests, bien, il n'y a pas de force non plus pour prendre de l'expansion, donc pour pouvoir s'étendre dans un développement quelconque qui serait à la mesure de son esprit et non pas à la mesure de votre ego. À la mesure de votre ego, là, c'est très, très basique. Vous allez vous arrêter là où vous avez des satisfactions sensorielles. Sexe, manger, dormir, soleil, vous allez vous restreindre à ça. Quand vous avez un mouvement qui vous pousse au niveau de l'esprit, vous avez un relationnel qui s'en va vers de l'échange. C'est beaucoup plus dur quand vous êtes à 5, à 6, à 10, à 15, de gérer votre contenance, parce que c'est dur de se contenir quand il y a plusieurs personnes. Puis quand il y en a des milliers, c'est encore pire. Fait que quand vous êtes placé dans un champ de l'esprit, vous êtes automatiquement placé vers des zones de communication. Puis gérer de la communication, c'est l'ultime de l'expansion que les forces vont vous faire vivre. Par contre, ils vont vous faire vivre beaucoup, beaucoup de rejets pour vous faire comprendre qu'il faut vous occuper de l'autre et non pas de vous-même dans la communication. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que l'être humain est extrêmement limité à ses satisfactions sensorielles, à ses sens, et que s'il dépasse ses limites, on l'amène à des échanges au niveau communicationnel. Quand on était chez vous, là, pour la journée, ça a été une super belle journée, mais ça a été une belle journée parce que tout le monde n'était pas enrégimenté. C'est moi, je n'y allais pas chez vous parce que ta femme m'avait invité. J'allais là parce que Gilles, il m'a dit, « Hey, ça te tente-tu de venir tirer à cet égard? » Là, la dynamique était bonne là-bas, je me suis ramassé chez vous. Mais je ne me suis pas ramassé chez vous sur un rendez-vous. Je me suis ramassé chez vous parce que l'échange roulait bien. Puis, il y a eu des imprévus, puis ça s'est tout bien placé. Bon, bien ça, quand les forces, ils voient que tu peux faire de l'échange à ce registre-là, dans cette dynamique-là, ils augmentent les tests. Ils augmentent les tests au niveau de l'échange, au niveau des difficultés de exemple, prendre sa place. Tout le monde a un espace qu'il a besoin de gérer quand il parle. Il a besoin de voir s'il est crédible quand il parle, ces choses-là. Fait qu'il vous amène des tests au niveau réflectif. Puis si vous passez vos tests, bien, vous êtes capable de revivre ça dans des registres encore plus subtils, plus évolués, plus libres, plus, ça n'a plus de fin. Jusqu'à ce que vous ayez une communication avec eux autres, qui est aussi limpide que de parler avec ton job. Puis il arrive un stage que les forces peuvent passer par vous autres pour se parler entre eux autres, avec vous autres. Là, c'est le party. Moi, c'est celui-là que j'attends le plus, là. C'est-à-dire qu'une personne est canal, l'autre est canal, puis je me sers des fois de Claude comme ça, quand il est pas mal branché, là. Je me sers de son double qui parle à mon double par le biais de nos deux canaux. Ça, c'est le party. Ça, c'est l'ultime de l'ultime de l'ultime. J'avais ça avec Bernard aussi. Il disait, qu'est-ce qu'il dit, là-dessus? Puis là, bien, son canal pouvait parler à mon... pas son canal, excusez. Son esprit pouvait parler à mon esprit à travers notre canal. Ça, c'est le bout du bout. C'est le summum de l'échange. C'est là où tu peux commencer à défaire du karma, parce que ce que les autres vont te dire de faire à vous deux, imagine-toi si tu peux le communiquer à 10-12. Il n'y a plus de fin dans les projets, là. T'sais? C'est comme il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de restrictions au niveau matériel, là. Il n'y a pas un qui va dire à l'autre non. Il va dire, bien, écoute, pour faire ça, il faut ça. Ils me disent que, pop. Ils savent tous, eux autres, là. Tout. Il n'y a aucune restriction matérielle, financière, sociale ou émotionnelle là-dedans. Fait conséquemment, il n'y a plus de limite karmique parce qu'il y a une lecture parfaite. Puis comme ça vibre parfaitement, l'événement est parfait. T'es au bout, hein? Je vais dire, c'est du rêve. Je sais, c'est du rêve. Mais en attendant, on vit des limites karmiques. On peut quand même s'expliquer pourquoi on les a, hein? C'est en base. Imagine-toi 50 personnes. Maintenant, il part les affaires, une compétition de tir. Tout le monde sait instantanément pourquoi je fais ça. Tout le monde sait pourquoi il va. Il n'y a plus de compétition, mais simplement le plaisir de la journée. Je ne vous donne pas de réponse. Je vous dis, Tu as 20 personnes, il y en a un qui fait quelque chose, les autres le savent exactement ce qui se passe. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est son double qu'il fait faire. N'importe quoi. Là. Il n'y a plus de ouais, mais ça ne me tente pas. Ça n'existe plus. Là. Il y a, tu le fais ou tu ne le fais pas, puis si tu ne le fais pas, c'est parce que tu t'excuses du mouvement pour une raison donnée. Mais tu connais ta raison, puis les autres connaissent aussi la raison. Pourquoi tu t'excuses? Tout est su instantanément. Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de lui n'est pas correct ou elle n'est pas correct. Ça n'existe pas. Là. Tout est coordonné, ces plans. On sait, tout le monde, qu'on est un canal, puis que dès qu'il y a un canal qui se met en opération pour faire quelque chose, il y a l'accompagnement qui est nécessaire, sans surplus, puis les autres vont peut-être arriver plus tard dans une autre séquence. Vous me suivez? C'est complètement opéré à partir des plans, et non pas à partir de vos goûts puis vos valeurs. Très différent comme mode de vie. Ça ne nous empêche pas de vivre notre karma, mais ça nous le fait vivre d'une façon intelligente. Parce que le karma, pour moi, ça devrait se résumer à des compétences puis des talents qu'on a naturellement. Ton traitement de texte travaille avec Excel, Words. On a des Office. Si tu as Excel, tu as Word, tu as PowerPoint, tu as Access dans Office. Tous les systèmes opèrent. Ils peuvent travailler ensemble, en symbiose. Fait que ça devrait se faire simplement par compétence, le karma. Ça ne devrait pas être une horreur à chaque fois que tu tombes dans un relationnel quelconque. Ça, je veux dire. Quand c'est tout opéré à partir du contact, la vie est belle en maudit. Hein. Question. Pourquoi je vois que le karma, c'est un blocage? Ben, le karma, tel qu'il se vit, à cause du fait qu'il est extrêmement basic, OK, il nous fait sentir qu'on a une partie qui n'a pas été découverte. Comme, si je te dis, ton karma, ça devait être vu comme un outil. Un outil, ce n'est pas un blocage. Mais un outil qu'on ne sait pas se servir, ça devient un blocage. Mais ce n'est pas l'outil qui est un blocage. C'est de ne pas savoir se servir de l'outil qui est un blocage. Si les forces nous donnent la communication et qu'on ne sait pas se servir de la communication, on a un blocage dans la communication qui n'est pas la communication en soi. Mais qui est de la mauvaise utilisation de la communication. Ça se comprend-tu, ce que je dis? Oui. Ce que c'est que je réfère à avant, je ne devrais pas référer à avant, référer à maintenant. Quand on réfère à avant, on réfère à la partie involuée de notre vie, c'est-à-dire la partie qui n'était pas en présence d'une révélation ou en présence d'une expérience quelconque. C'est sûr que si je réfère à mon 14 ans, à mon 10 ans, j'ai pas la lucidité que j'ai aujourd'hui. Donc, ça ne peut pas être une référence dans ma vie comme mesure de ce que je suis. Ça peut être une mémoire, mais ce n'est pas une référence. Je ne peux pas m'appuyer sur ce que j'étais à 14 ans pour dire qu'aujourd'hui, j'ai ça à faire, mettons. Il faut que je regarde à partir de tout de suite ce que mon corps, ce que ma vie me permet de pouvoir faire. Qu'est-ce que je peux vibrer pour exécuter? C'est ça qui est le point. Tandis que le passé, ça ne mesure absolument rien. Ça n'a aucune valeur en soi, autre qu'une valeur de référence, mais pas une valeur d'action comme telle. Mais quand tu es pris avec des égos, tu es toujours pris avec un problème de mémoire parce qu'il veut faire comme dans le passé. Alors qu'il n'y a pas de puissance dans le passé. La puissance, c'est dans l'actuelle vibration. Ce que tu vibres, c'est l'autorité de ton mouvement. Il n'y a pas d'autorité dans la mémoire. Il n'y a plus de force. Ça a été brûlé. Écoute, tu ramasses une vieille canne de lait, là. Es-tu capable de te servir un verre? Il n'y a plus rien là-dedans. Ou si il y a quelque chose, puis c'est, tu sais, genre, c'est daté d'il y a 2 ans, je ne voudrais pas boire ce qu'il y a dedans, moi, là. Tu sais? Fait que tu ne peux pas te donner le passé comme une mesure de ton futur. Jamais. Pas pire pour les gars, il n'y a quand même rien à dire sur ce sujet. Ça ne pouvait pas se baser sur comment j'étais après-midi ou même ce que je vivais entre les deux conférences. Ça pouvait juste être partir à parler, puis après ça, laisser les forces travailler. C'était un exemple, ça, là. J'avais pas le goût, j'avais le goût d'arrêter la conférence. Puis là, brum, ah ouais, on y va. Ça, ça s'appelle les laisser-faire. Tasser ton ego. Comment ça veut dire? C'est ça, c'est ça, ça, c'est un exemple, ça. L'ego, dans son karma, c'est un animal. Bon chien-chien, c'est un animal. Il va y aller au plus facile, tout le temps. C'est un animal. Ça n'a pas de force, un animal. C'est l'esquivible qui va faire de lui quelque chose d'au-dessus de sa norme. Pour le changer de norme, il faut qu'il se laisse aller à cet invisible-là que je vous parle, que moi, je canalise parce que j'ai l'entraînement pour le faire. Mais il faut que ça commence avec le... Il faut que ça commence avec une reconnaissance que ça existe. Puis une fois que ça se fait, bien là, il se passe quelque chose. Mais tu sais, si moi, je ne partais pas avec le fait que ça existe, tout s'écroulerait. Je ne pourrais jamais aller chercher ces niveaux d'information-là. Jamais, jamais, jamais, jamais. Pourtant, moi, je trouve ça d'une simplicité alarmante. Mais pas tout le monde. Tu sais, tout le monde n'a pas accès. C'est hallucinant, ça, là. Mais tout le monde est en contact avec ça. Tout le monde a accès à ça. Mais c'est comme je te donnais un compte, OK? Je te mets 1 million dans ton compte, mais je te donne pas le NIP. Je m'a dit, trouve-les. Tu as 4 chiffres à trouver, puis tu vas avoir accès à ton million. Tu te dis que le hamster va travailler dans la roue en maudit pour trouver 4 chiffres. On s'entend? 4 chiffres, c'est facile à trouver. Ouais, c'est facile à trouver, mais il faut que tu le trouves. C'est ça. Mais au niveau du rapport, c'est que ça représente quoi le NIP? C'est l'action, la capacité d'action. Oui, c'est sans censure. Avec les forces, c'est sans censure. Il n'y a pas de censure avec les forces. Il n'y a pas de déprime. Il n'y a pas de... Tu peux être fatigué au niveau de l'ego. Tout à l'heure, j'étais fatigué, j'ai mal des hanches. Je ne fais pas d'argent. J'ai tout me plaindre, là. Mais c'est pas comme ça qu'ils marchent, eux autres. Eux autres, c'est vite, puis fais ta job. Point final. Allô, bon chien-chien. Là, tu le fais. Moi, je suis habitué d'être le bon chien-chien. Vous autres, vous n'êtes pas habitués à ça. Vous autres, vous laissez aller le karma basique prendre le dessus. Tandis que moi, je ne laisse pas le karma basique prendre le dessus. Je laisse les forces prendre le dessus sur le karma basique. Fait qu'à un moment donné, ça change de quoi? Il se passe de quoi? Il y a un événement, puis... il me donne des solutions à la dernière minute. Mais il me donne tout le temps des solutions. Tout le temps. Moi, c'est comme je te dirais, là, avec eux autres, là, pas avoir de réponse, ça équivaudrait à arrêter de vivre. Pas réponse. Pour moi, c'est même plus qu'une réponse. Pas avoir de solution. Une réponse, vous voyez, tu ne fous rien qu'une réponse. Pas avoir de solution. Parce qu'une solution, c'est une réponse sur laquelle tu agis. Une réponse, là, c'est... Tu donnes des réponses. J'ai passé ma vie à donner des réponses, moi, là. J'ai pas vu du monde agir sur toutes les réponses que j'ai données. Mais voir du monde prendre une décision et assumer les décisions. Et là, le party commence, là. Avec toute la zone expansion, contraction, tu sais, ta-ta-ta. Il y a des solutions tout le temps. La preuve, c'est que tu n'es pas mort. Si tu n'es pas mort, il y a une solution. Parce que s'il n'y a plus de solution dans la matière, tu changes de plan, au final. Dès que tu es dans la matière, c'est parce qu'il y a une solution. C'est simple de même. Ben, c'est la preuve que tu es en solution, dans le fond. C'est un peu une preuve. Si tu es capable de lire, c'est la preuve que la solution est appliquée. C'est ça. Mais on est en deux mondes. On est obligé d'être assujetti à la matière et puis être en contact avec l'esprit. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un délai, il y a toujours la tendance, la réflexion pour saisir les deux mondes, pour coordonner les deux mondes. Quand tu disais que c'est comme un peu un cerveau artificiel, tu reçois de l'information de dire, mettons, tu t'envoies à telle place, et automatiquement, il y a un langage. Ce langage-là, c'est le... Comment je dirais ça? C'est comme... Il me parle en français. Ben, c'est comme si tu es obligé de convenir deux mondes. Non, moi, c'est pas comme ça que je vis ça. Je vis pas dans deux mondes. Moi, je vis avec eux autres, dans ce monde-ci. Eux autres, ce que je vois, c'est qu'ils se servent de ce monde-là. Ils se servent de ma matérialité, mais ils servent aussi des gens qui sont matériels. Puis ils servent du matériel, point. Moi, je vis pas dans deux mondes. Je vis dans un monde qui se sert du monde. Je vis pas dans deux règles. C'est comme si tu me parlais de règles de vie de la matière versus les règles de vie des forces. Moi, je ne vis pas ça comme ça. Moi, je vis dans les règles de la matière avec les forces qui me disent quoi faire avec ces règles-là. C'est comme à la bourse. À la bourse, ils m'ont fait apprendre la bourse pour que je sache quoi faire avec la bourse quand ils vont me dire « achète ci, puis achète ça, puis touche à rien ». Mais ils m'ont pas fait vivre le monde avec une façon de faire, puis la bourse a une autre façon de faire. C'est pas comme ça qu'ils marchent. Ils me font me servir des règles de la matière, mais ils me les font vivre avec les bonnes séquences. Parce que la bourse, si t'es toujours dans le bon trend, tu fais pas de perte, là. Donc, eux autres, c'est simple de même. En bac là, touche pas à ça. En bac là, débac là, c'est tout. Mais avec les règles, tu passes tes commandes. Je veux acheter, je mets un ordre limite. Ils fonctionnent avec la matière, mais ils utilisent la matière intelligemment. C'est tout. C'est juste ça. Mais disons le perfectionnement du lien qu'ils font avec l'être humain, au cours, mettons, des siècles passés, ça a toujours existé, autrement dit, il y a eu toujours un perfectionnement. Oui, c'est pour utiliser la matière. OK. Mais il y a deux systèmes de valeurs qui sont en action. Non, il y a un système de valeurs et eux autres qui n'ont pas de système de valeurs. Oui, mettons, ils n'ont pas de système. C'est comme s'ils ont un droit de regard, une autorité en soi. Ils utilisent la matière. Ça dit à quel point ils ont le pouvoir. Là. Ouais. Ils utilisent la matière. La matière est sous leur contrôle. Mm-hmm. C'est eux autres qui établissent les règles de la nature. Le fait qu'ils ne sont pas capables d'être ici à 100% dans un temps X... Instantané, tu veux instantané. Dire? C'est parce qu'il y a une résistance de l'homme. Okay. Pas une résistance de la nature. Ah, oui. La nature suit les règles. C'est eux autres qui établissent les règles de la nature. C'est l'homme qui ne suit pas son invisibilité. Mm-hmm. Parce qu'il l'extirpe de l'animalité. Mm-hmm. Il transmute... Il transmute de singe à homme à surhomme. C'est ça. Mais l'être, quand il n'est pas en contact avec eux autres, c'est un être à moitié complété, mais sous leur règle. Puis il y a juste une règle avec eux autres. C'est les lois de la polarité, tout le temps. Contraction, expansion, binaire. Tout notre système informatique est un système binaire. Il y a des raisons pour ça. C'est eux autres qui établissent les règles. Avec les règles qu'ils établissent, c'est des règles universelles. Puis quand tu commences à comprendre l'invisible, tu vois que c'est une machine à piton. Il t'arrive telle affaire parce que telle affaire, tu sais. Moi, quand ils me disent « mange du poison pour régler ton histoire de vésicule », je connais rien en médecine. Mais si un médecin m'expliquait ce que j'ai fait, il pourrait comprendre. Mais moi, j'ai même pas besoin de comprendre. Je suis le règle. Le règle, c'est « tu manges ça, puis ça, c'est réglé ». Tandis qu'il y en a, ils font des études. Tant mieux s'ils font des études, c'est le karma. Et moi, je n'ai pas besoin d'avoir son karma pour régler mes affaires, j'ai juste à les écouter. C'est eux autres qui établissent les règles de la nature. Il n'y a pas deux mondes, c'est un monde. Excepté que nous autres, on ne le connaît pas, notre monde. Tandis qu'eux autres, c'est eux autres qui l'ont créé. Tout au bout, c'est Dieu. Les forces, c'est Dieu. Tu deviens Dieu. C'est ça, je t'offre. De percevoir. Je ne peux même pas te dire, moi, t'as le donné. Je peux juste dire, tu vas finir par comprendre qu'il était une part de Dieu. Mais pour savoir que tu es une part de Dieu, il faut que tu comprennes ce qui se passe autour de toi. Que tu comprennes que quand un gars fait ça, il agit sur toi sans que tu aies une volonté ou une négation qui fasse telle ou telle chose. Que tous les gens que tu as dans ta vie, ils représentent tout quelque chose dans ta vie, dans une formule quelconque de ta vie. C'est mes chats, moi, je regarde comment je file, comment ils filent, il y a un parallèle à faire. Un parallèle à faire sur mes voisins, j'étais pris avec mon petit bidule. Je mettais une batterie dedans. Alors, j'ai reçu deux batteries. Moi, je pensais qu'il fallait mettre une batterie. Je m'en vais à la source, je veux faire checker mes batteries. On a brisé notre machine pour checker ça. Je dis, vends-tu les piles que j'en achète une, neuve? Il dit, on ne vend pas ce modèle-là. Je dis, les autres, tu sais, c'est Radio Shack, la source. Je dis, les autres, la source, ils en ont-tu des batteries de même? Il dit, on a tous le même stock, fait qu'ils n'en ont pas. Il dit, si tu veux aller avoir des batteries neuves, va chez Batterie Expert en face. Les autres, ils ont toutes les batteries. Je m'en vais chez Batterie Expert, fermé le samedi. Bon. Et là, des espoirs de cause, je dis, si vous me faites acheter une patente qui me coûte une fortune, ça me coûte 125$, ce petit bidule-là. Puis je dis, je ne peux même pas savoir s'il marche. J'aimerais ça pouvoir le retourner s'il ne marche pas. Là, il me dit, je téléphone à ton voisin, il m'a dit de checker tes batteries. Check mes batteries, mes deux batteries marchaient. Je m'en suis dit que ça ne marche pas. Tu as essayé de les mettre les deux ensemble? Hein? T'es fait, oui. T'es pas riche. T'as de l'air de nous. Mais on va l'essayer. Je mets deux batteries, ça marchait. Il dit, je suis pas si nono que ça. Je dis, non, t'es pas nono, t'es un génie. J'ai dit, tu vois, moi, là, qui pense être intelligent, puis toi qui penses qu'il l'est pas, tu viens de régler mon problème. C'est hallucinant. Tu fais pas juste tondre mon gazon, tu me sauves la vie. Les forces t'envoient à la place, à la personne qui va régler le problème. C'est comme ça tout le temps, tout le temps. Fait que ce gars-là, il fait partie de ma vie pour toutes sortes de patentes, là. Il se promenait avec son petit John Deere, là, t'as tondre le gazon, puis il trippe. Comme un gars va être sur la coke, tout au bout. Moi, je vais juger un gars de même, fuck off. Pas grave. C'est trop une expérience intelligente qui ne sait pas de quoi il fait partie. Il ne parlera peut-être pas sur le contact, mais il fait partie de la nature. Il fait partie des arbres qui m'entourent. Tu sais, il fait partie de la vie, Chris. C'est ça que j'ai appris à vivre puis à aller dans le bois, c'est Colombin. Que même à toute l'école puis l'université que j'ai faite, on n'a jamais appris ça. Jamais. On n'a jamais appris à vivre avec la nature. On n'a jamais appris à vivre avec ce qui nous entoure. Puis moi, j'essaie de vous le communiquer. C'est pas deux mondes, c'est un monde. Il y a juste un monde. C'est juste qu'on ne connaît pas notre monde. C'est tout. That's it. Puis moi, je découvre les correspondances. Je dis aux gens, la seule chose qui est importante dans la vie, c'est d'être cohérent. Dans la cohérence, c'est de voir les correspondances qu'il y a dans la vie. Tu sais, il y a une tempête. Tu vis quoi dans la tempête? Sors de ton petit calice de jeu et regarde que la tempête, c'est pas toi qui es responsable de la tempête. Tu fais partie de la vie dans laquelle il y a une tempête. Alors, regarde ce que tu vis dans la tempête, puis tu vas comprendre que d'autres personnes vivent des affaires similaires. T'es pas tout seul au monde. Fait que, moi, j'ai beau avoir la science que j'ai accès, je trouve ça fantastique d'avoir cette science-là, mais je fais toujours bien partie de la vie. Je suis dans la nature, dans la vie, avec j'influence la vie des autres, là, pas tant. Puis je m'arrange tout le temps pour être au meilleur de mes capacités, parce que je sais que ce que je vis personnellement, ça affecte au moins une cinquantaine de personnes. Fait que je me dis tant qu'affecter les gens, c'est pas les affecter comme il faut, plutôt que les infecter. On est connecté avec plein de monde qui nous aime et qui nous aime pas. Moi, j'essaie d'être une influence positive, au même titre que vous allez avoir des influences négatives, parce que il y a des gens qui sont là dans votre vie vraiment pour vous faire chier, là, tu sais, c'est ça. Puis que vous devez apprendre à travailler avec cet obstacle-là pour éliminer des obstacles dans votre vie qui sont générés par comment ils vibrent vis-à-vis de votre personne. C'est pour ça que les gens font tellement attention à leur image. C'est pour qu'il y ait un environnement qui vibre bien vis-à-vis de leur personne, automatiquement. C'est ça.